Électrochoc à l'écran. Le jeu de la mort en est le titre. De quoi s'agit-il ? Du récit d'une expérimentation sur le pouvoir de la télévision à partir d'une émission montée pour l'occasion. La zone extrême. L'émission, semblable à ces jeux de divertissement qui s'enchaînent sur les petits écrans, s'inspire des recherches menées par le psychologue américain Stanley Milgram dans le courant des années 60. Dans l'expérience de Milgram, des individus volontaires, placés dans une situation de test scientifique fictif, sont amenés à envoyer des décharges électriques à chaque mauvaise réponse d'un comédien. À leurs yeux, il s'agit d'un autre volontaire pour l'expérimentation, selon un voltage qui va crescendo. Le but de Milgram était de savoir jusqu'à quel point précis chaque sujet allait suivre les instructions, alors que les actions qu'on lui demandait d'exécuter entrait progressivement en conflit avec sa conscience. L'expérience doit sa célébrité à ses terribles résultats. Un grand nombre d'entre nous est prêt à obéir aux injonctions de l'autorité. Dans ce cas de figure, un scientifique en tablier blanc, à s'y soumettre sans la remettre en question, même s'il s'agit de commettre des actes dommageables pour autrui. Derrière ces recherches en psychologie sociale, planent nos tourments, d'après-guerre, face à la question de la collaboration ou de la résistance. Qu'aurions-nous fait en temps de guerre? Que ferions-nous aujourd'hui et jusqu'où irions-nous? Sur un plateau télé à la mi-avril 2009, sous l'impulsion du réalisateur Christophe Nick, une équipe de scientifiques et de techniciens de l'audiovisuel adapte l'expérience de Milgram à un jeu télévisé. Comme on le fera habituellement pour une émission de divertissement, des candidats sont recrutés par une société de marketing, des quidam n'ayant jamais participé à un jeu télévisé, ni même cherché à le faire. Un public, un chauffeur de salle, une animatrice, un plateau aménagé pour le jeu, tous les éléments sont réunis pour faire comme si. Le producteur explique le cadre aux candidats. Il s'agira pour eux de tester un nouveau jeu télévisé et d'aider à sa mise au point. On joue donc pour du beurre. Pas de gain à la clé, seul un dédommagement de 40 € est prévu. Le documentaire fiction qui retrace l'expérience laisse pantois. Si l'on perçoit tantôt la perplexité, tantôt le malaise, tantôt la désolation, tantôt l'inquiétude ou l'angoisse, des candidats, ils seront pourtant nombreux à aller jusqu'au bout du jeu, 81%, c'est-à-dire jusqu'à infliger au comédien le voltage maximal afin de sanctionner sa 27e mauvaise réponse. Les protestations du comédien, ses suppliques, voire son silence en bout de course, n'auront que peu d'effet sur les manettes à volts poussées à l'extrême. Le jeu de la mort décode les comportements des candidats et les mécanismes d'obéissance. En effet, de l'avis des réalisateurs du jeu de la mort, l'expérience met en lumière la puissance de la télévision, son emprise. Au vu de ce qu'elle propose, il y aurait lieu de s'inquiéter. Aujourd'hui, la télé-réalité, c'est « j'élimine, j'exhibe, j'humilie et je suis voyeur ». On est dans ce qu'il y a de plus décadent, déclarait Christophe Nick lors d'une interview. Certains de ses défenseurs répondent qu'il s'agit d'une sorte de catharsis. Le problème avec la télévision, c'est que non seulement elle montre le passage à l'acte, mais en plus, elle le promeut. La télé-réalité porte dans ses gènes la logique du pire, indiquera Jean-François Rasquin, professeur de sociologie des médias, lors du débat d'Intermédia sur le sujet. Une escalade imbriquée dans la loi de l'audimat. L'enjeu ne résiderait-il pas alors dans la création de bonnes émissions populaires, comme le suggère Luc Van Kampenhout? Ce sociologue en appelle à dépasser un clivage manichéen qui oppose la télé-réalité et d'autres émissions vertueuses, à mettre au point de véritables spectacles qui diffusent des valeurs tout autres et bien trop absentes du petit écran. Solidarité, compassion, sens de la justice. Questionner nos obéissances et interroger le média qui occupe nombre d'entre nous, pas seulement lors de longues soirées d'hiver, voilà au moins deux raisons de s'intéresser au jeu de la mort. Voilà, aujourd'hui on part en balade avec plusieurs rencontres. La première, on part à Kurgem, à Bruxelles. Vous savez, ce quartier qui fait peur. Et on rencontre une policière qui nous raconte, qui nous présente un peu le quartier. Bonjour. c'est la radio en fait. Donc on fait un petit... Hein. Et ça va, vous allez bien? Ah oui, oui, ça va bien. Moi, vous allez bien aussi? Oui, moi ça va, parfaitement. Et qu'est-ce que... Enfin, vous êtes avec vos... Heureux d'être policier, nous. Vous êtes heureux d'être policier? Oui. Bien ça. Oui, on sait, on sait en plus que ça se passe pas toujours bien dans la police. Hein. Ben disons que nous, on n'est pas représentatif de ce qui se passe, parce que nous, on est anciens, on a de l'ancienneté, donc on connaît bien notre quartier, on connaît bien les communes, on est bien implantés, quoi. Et bon, je pense qu'on fait du bon boulot, mais on est très peu nombreux comme ça, puisque la police, ça va, ça vient. Nous, on est des gens, on est restés là où on était depuis toujours, et je crois que c'est comme ça qu'on avance. C'est en restant, en connaissant mieux les gens. Maintenant, évidemment, la police bouge beaucoup, les jeunes bougent beaucoup, donc ils se connaissent plus, donc ils s'investissent plus, et bon... Ça fait des dégâts parfois. Vous voulez dire quelque chose? Non, pas spécialement. J'ai que c'est ici, c'est pas la première fois qu'il y a une fête comme ça. L'occasion est particulière, bien entendu, mais on a souvent des rencontres de ce type et ça se passe bien. On devrait peut-être en faire plus de publicité, montrer tout ce qui se passe de positif et pas toujours parler du négatif. Parce que je crois que le négatif... Malheureusement, il existe, mais il y a autre chose. Et comment ça se fait, ça, qu'on parle que du négatif? Comment ça se fait? Parce que, comme toujours, peut-être que c'est plus frappant, c'est plus porteur, plus impressionnant que les petites choses de tous les jours, les petits services rendus, les gentillesses, c'est pas très porteur, peut-être. Ouais, ou d'une politique qui est mise en place aussi pour un peu... C'est politique, hein. Elle est là, elle fonctionne, elle porte ses fruits, pas suffisamment, mais il y a quelque chose qui bouge depuis longtemps déjà. Il y a des efforts qui se font. Comme quoi, par exemple? Des activités avec les jeunes, des contacts, des rencontres, les jeunes. Je crois pas que c'est uniquement... c'est peut-être un peu plus dans le quartier Kuregem parce que justement, il y a des faits divers. Mais dans tous les... Attendez, je finis. Oui, voilà. C'est une réalité aujourd'hui, la jeunesse, pour ce qui est du travail, pour ce qui est de s'insérer dans un système, c'est un peu la même chose. Il y a des problèmes dans... C'est un quartier difficile. C'est un quartier qui est un peu la vitrine de tout ce qui ne va pas. Mais peut-être qu'ailleurs, où on a su préserver une plus belle vitrine, on ne peut pas parler de tout ce qui se passe. Voler, on vole, je crois qu'on vole partout. Mais peut-être qu'on en parle moins qu'ici. C'est ça? Non, oui, peut-être vous avez choisi de venir avec votre... vous êtes en fonction, en fait, là, maintenant. J'ai travaillé aujourd'hui, mais je suis l'officier du quartier, moi, hein. Donc il y a plein de gens que je connais ici, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. J'ai travaillé au marché, bon, au marché de l'abattoir, c'est 3 jours de marché, c'est 100 000 personnes. Mais bon, il y a bien quelques vols à la tire, mais pour le reste c'est convivial. Normal quoi. Normal, voilà, c'est tout, normal. À part les inévitables embarras de circulation, normal. Voilà. J'ai pas l'impression de travailler dans un endroit. Je veux dire, moi je porte pas de gilet pare-balles et... parce que je suis en proximité et que ça va. Quoi. J'ai l'impression aussi de pas avoir grand chose de très intéressant à dire. Non, juste simplement dire que vous, un policier, ne portez pas votre gilet pare-balles et que vous n'avez pas. C'est important, ça, parce qu'on n'arrête pas. Enfin, moi, dès qu'on parle du quartier Kuregem, on dit que c'est une zone de non-droit, etc., etc. Ben, dites-le. Donc, Kuregem n'est pas une zone de non-droit, qu'on le vit tous les jours, que la police va partout, que c'est pas toujours facile, ça, c'est évident. Il faut pas non plus faire d'angélisme, mais que le très difficile reste marginal. Ça, voilà, c'est ça. Et le contact avec les services de prévention. Tandis que moi, je suis l'officier de proximité du quartier. Donc, c'est mon commissariat qui est le commissariat de quartier, celui qui a brûlé. Là. Comment c'est celui qui l'a brûlé? Mais écoutez, Il a brûlé, et pourquoi il a brûlé? C'est un incendie criminel. Pourquoi il a brûlé? Parce que quelqu'un a trouvé ça intéressant, parce qu'il a mis une plume à son chapeau, parce qu'il nous en voulait pour quelque chose, je ne sais pas. Ou peut-être parce que c'était celui qui était là. Mais on en fera un plus beau et on reviendra. Et en attendant, la population qui est punie, je veux dire, quelque part, pas nous, hein, parce que nous, on nous a relogés rapidement. La population, eh ben, doit se déplacer plus loin et ils sont là, ils viennent parce qu'ils ont besoin de nous pour des tas de trucs, des papiers, des contrôles, parfois même un conseil. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas rare qu'on arrive avec des documents, j'ai reçu ça, je comprends pas. Je suis perdue, je dois payer les contributions, qu'est-ce que je dois faire? Bien ce genre de questions au commissariat. Ah ouais. Mais c'est aussi parce qu'il y a une forte population d'immigration aussi, non? Donc entre la Belgique, je vois parler la langue, première génération, deuxième génération. Parfois ça se passe pas toujours bien hein, parce que il y a les gens vivent pas bien, donc ils sont parfois agressifs. Il faut réussir à désamorcer des situations et on n'est pas non plus toujours soi-même bien pour désamorcer. Donc parfois il y a des étincelles et puis après bon, on va se calmer. Maintenant on s'assied. Voilà, c'est la proximité. Donc ça, avec Police Secours, c'est l'autre pendant de la vraie police, je pense. Hein. La Police Secours. Ça, c'est essentiel, mais nous aussi, je pense. Voilà. Tiens, vite pour terminer, comme ça, une question. Entre le policier, enfin d'abord, comment ça se fait que vous avez eu envie de devenir policier? Parce que, bon. Et est-ce que. Il y a longtemps, je ne sais plus. Il y a combien de temps? 25 ans demain. Et demain. Ça. Oui. Et vous avez expliqué pourquoi vous vouliez devenir policier? Non. Franchement, non. Pardon. Je pensais que le travail me plairait et il m'a plu. Voilà. Et il me plaît toujours. Même si parfois on est fatigué par tout ce qui se passe, par la paperasserie, par toutes sortes de choses, par la vie tout court. Mais vous avez façon, l'air un peu fatigué. Oui, je suis fatiguée. Mais c'est un métier très enrichissant et. Je crois qu'on ne se lasse pas du métier, mais des conditions dans lesquelles on doit l'exercer, essentiellement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Non, merci. Merci à vous alors. Hein. Partons à Namur, rencontrer les petits bonhommes mauves. Bah, vous savez, c'est ça, on a des petits bonhommes mauves, il y a des petits bonhommes verts, voilà, là ils sont mauves. Et c'est à la sortie d'une école à Namur, bah, on les rencontre et on se demande un petit peu qui ils sont et pourquoi ils sont là. Donc voilà. Vous dites, c'est parce que ça n'a pas enregistré. J'aimerais bien savoir c'est quoi votre métier en fait. Notre métier consiste à surveiller aux abords des écoles, vous faire traverser quand il y a lieu, ici ce n'est pas le cas. Prévention de bagarres, médiation, faire un relais entre la population et la ville de Namur. Et vous êtes habillé en petit schtroumpf alors? Un petit mauve, ouais. Un petit Anderlecht, oui, on nous le dit souvent. Et c'est marrant, vous attendez la sortie de l'école alors? C'est ça votre job? Oui, voilà, on attend toutes les sorties d'école. On est divisé dans plusieurs zones. Namur, Saint-Servais, Champs et plusieurs équipes. Et on fait certaines sorties d'école, voilà. Il y a des soucis des fois? Certaines écoles, plusieurs soucis au niveau circulation, double fil, et certaines autres plutôt au niveau bagarre, comme l'Institut Saint-Ursule est un lieu renommé pour les rencontres entre bandes. Oui, oui, ouais. Donc voilà. C'est quoi, combien de fois sur 10 des soucis par exemple? Combien de fois sur 10? À mon avis, 3 ou 4 fois quand même. C'est plutôt en fin de semaine que les têtes commencent à s'échauffer ou quand on rentre des vacances, quoi. Bon, bah, attendre avec vous, hein, par chance, on aura peut-être une bagarre. Ouh, là, les grands sont déjà partis, donc au niveau des petits, des primaires, c'est plutôt les rénovés, donc au niveau des primaires, il n'y a pas de soucis. Tu aurais une question à poser? Non. Peureuse. Toi, Sophie? Moi, j'ai déjà parlé, ça. Et vous voyez votre boulot comment, monsieur? Mon boulot comment? Moi? Dans 10 mois, j'ai plus de contrat, donc je le vois comme ça, mon boulot. J'essaye de trouver la motivation où je peux. C'est... Après 5 ans, on nous met dehors, donc j'essaye de trouver la motivation où je peux, quoi. C'est tout. Sinon, mon boulot, il peut servir ou quoi, mais c'est pas toujours évident parce qu'on est assez bloqué au niveau... On ne fait que de la prévention, donc aucune répression. Je ne demande pas à faire de la répression, mais de temps en temps, il faudrait, quoi. Il faudrait. Un exemple pour qu'on comprenne ce que vous dites. Un exemple, ben, par exemple. Disiez, vous dites. Oui, oui, oui. Un exemple, ben, notamment tout ce qui est bagarre et tout ça. Bon, on doit intervenir sans intervenir, ce qui est très dur. C'est très dur parce que bon, il y a parfois, bon, on aimerait intervenir, pouvoir garder les gens et tout ça tant que la police arrive, mais normalement on ne peut pas. Donc c'est ça qui est un peu difficile dans notre métier. Je cherche mon groupe là. Elle est où, Sylvie? Je vois sa sœur là-bas. Ah, voilà, ça va. Mais quand vous parlez de... On peut par exemple séparer une bagarre sans pour cela taper dedans. Hein. Non, vous voyez non, ce que non, je veux dire? Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on sépare, oui, c'est bien, mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'est pris un mauvais coup ou quoi, on ne peut pas prendre la carte d'identité de la personne. Donc si la personne s'en va, on peut essayer de la retenir, mais c'est très très difficile. On n'a pas de pouvoir vraiment contraignant pour retenir la personne. Donc si la personne s'en va... Voilà. Pas responsable, quoi. Ouais, c'est ça. Ou par exemple, ça nous est déjà arrivé de voir des dealers ou quoi. C'est très difficile, on ne peut pas intervenir directement. On doit d'abord passer par la police. Donc notre rôle, c'est de voir ce qui se passe, mais pas d'intervenir. Et il y a parfois, bon, sur certaines choses... Par exemple, des gens qui vont se garer, par exemple, à la place handicapée. Il y a une voiture qui va arriver, on ne peut pas verbaliser. Ça, c'est uniquement le rôle de la police. Donc, on peut dire à la personne, écoutez, vous êtes garé sur un emplacement pour personnes handicapées. Mais voilà, on peut lui dire, maintenant, il s'en va pas, c'est tout. On a déjà essayé de remettre, par exemple, le numéro de plaque à la police, mais il n'y a rien qui change, quoi. C'est pas évident. Est-ce que vous pourriez demain être policier, à la limite, vous voyez? C'est quoi la différence? Vous me dites, je comprends bien. La différence, bien, hein. Nous, c'est préventif. Donc, c'est uniquement préventif. Et alors, ici, aux abords des écoles, on veille à ce que ça se passe pour un mieux, quoi. De l'autre côté, par exemple, comme il y a un passage qui n'est pas protégé par le feu, là, on fait de la surveillance habilité. Donc, on a un gilet jaune, on a un panneau pour faire traverser les gens. Voilà. Mais aussi, bon, ce qu'on fait, c'est que on est là aussi pour des problèmes de propreté publique ou quoi. Donc ça, on signale quand il y a des sacs non conformes ou des choses ainsi, ou des dépôts d'immondices. Ou alors, ce qu'on fait aussi, on travaille avec la voirie de la ville de Namur, quand il y a des trottoirs qui sont cabossés ou quoi. On leur fait un rapport qu'on envoie directement pour réparer dans le plus bref délai. Voilà, c'est ça notre travail en gros. Donc on est les yeux et les oreilles de la ville. Ah. Sans aucun pouvoir restrictif. Donc on reste dans le préventif. Voilà. Comment ça se fait que dans 9 mois, 5 mois vous... Dans 10 mois. Ben oui, ben au départ c'était des contrats de 5 ans et qui n'étaient pas renouvelables. Et donc voilà, donc c'est difficile la dernière année de retrouver encore la motivation, mais il faut quand même, quoi. Hein. Bon, je me dis, on a 10 mois pour trouver autre chose, donc ça va, quoi. Parce qu'en fait, au départ, ce sont des plans Activa. Ce sont des contrats Activa. Donc c'est 5 ans, une durée de 5 ans maximum. Et voilà, donc en fait, dans notre contrat, il y a une partie qui est prise en charge par la ville, mais c'est une partie assez minime. Et les gros deux tiers de notre salaire sont toujours payés par l'ONEM. Donc voilà, c'est un système de primes et tout ça, et comme ça marche beaucoup aux primes et tout, donc dans 9 mois, dans 10 mois, ils vont prendre une autre équipe où ils auront des primes pour ne pas devoir dépenser tout un salaire. Donc voilà, ça c'est un petit peu, tous ces contrats-là, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Hein. On met des gens au travail, mais sans aucune possibilité de... Il y a des possibilités, hein. Maintenant c'est un petit peu plus ouvert. Au départ on ne pouvait même pas postuler un autre emploi à la ville. Maintenant, on peut. Donc voilà, on espère que... Mais on verra, hein. On verra de quoi l'avenir est fait. Ouais, c'est un drôle de système, parce qu'en 5 ans, vous avez développé un savoir-faire. Parce que vous allez coûter trop cher, on vous bac et voilà, on met quelque chose... Oui, voilà, c'est ça. Disons que si maintenant, ils veulent nous réengager, tout notre salaire doit être pris en charge par la commune. Donc là, c'est un petit peu... Je les comprends aussi, hein, c'est la crise pour tout le monde. Hein, donc voilà, mais... Pour nous, c'est pas évident. C'est pas évident de rester motivé à 100%. Mais on tâche de l'aide parce que, bon, comme on est tous sur la ville tout le temps, et comme vous disiez, c'est vrai qu'en 5 ans, on s'installe dans un travail. On a pris des habitudes et tout ça. On apprend des choses aussi. Parce que sur le terrain, on a pris vraiment, quand on a commencé ici, c'est vraiment sur le terrain qu'on a appris un peu les règles et tout ça. Donc voilà, on se met aussi au niveau des gens, au niveau des jeunes, au niveau des personnes âgées aussi. On essaye de se mettre au niveau de tout le monde. Et ça demande un certain temps. On ne peut pas acquérir ça en deux temps, trois mouvements. Il a fallu un an et demi. Donc maintenant, on est bien dans le travail et malheureusement, ça va s'arrêter. Donc voilà, c'est pas évident, mais on verra, hein. On fera autre chose. C'est des questions fondamentales, je trouve, sur notre système. Ça raconte bien des choses, quoi. Comme si l'essentiel de notre système, c'était que c'est surtout que ça... C'est du profit, quoi. Surtout que ça ne nous coûte pas. Ouais, et au bout du bout, c'est pas du tout efficace dans une manière de travailler ou de... Oui, d'autant que nous on ne rapporte pas, quoi. Hein. On ne rapporte rien. Bon, vous avez, par exemple, les gens qui sont pour la brigade rodateur et tout ça. Ben, eux, évidemment, ils rapportent de l'argent. Donc ça, fatalement, je vais pas dire qu'ils sont mieux vus. Hein. C'est pas le cas. Mais bon, ils ont plus facile. On leur donnera plus facilement un contrat à durée indéterminée, tout ça, que nous. Qui en fait, bon, on ne rapporte rien de constructif. On fait notre travail, on nous remercie pour certaines choses et tout ça. On travaille aussi en prestations exceptionnelles quand il y a des événements qui sont organisés par la ville, du style les médiévales ou des choses ainsi. Là, on travaille aussi. Donc, on fait un travail qui, quelque part, ne rapporte rien de concret, mais apporte une certaine sécurité. Il y a une présence qui est là en ville, qui est importante. Et donc voilà, je trouve que c'est un travail qui peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un petit peu dur cette année-ci, mais comme je vous dis, on essaye de tenir le coup, quoi. Bah, merci à vous deux, alors. Je vous en prie, je vous en prie. Et une bonne journée à vous. Avec le retour du beau temps, eh bien, les parcs sont de nouveau habités par les humains. Hein. C'est marrant parce qu'en hiver, comme ça, on voit personne. Et puis, dès que le soleil réapparaît, on peut se retrouver les humains ensemble, même si, en gros, c'est chacun pour soi, on ne se parle pas trop. Mais... Et donc, les micros se baladent juste avec deux personnes pour parler des études, l'étude, voilà. Voilà, c'est parti. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va bien ? Oui, et vous ? Oui, moi je veux bien. Et la question en fait c'était, je demandais si vous étiez aux études. Moi non, plus du tout là pour le moment. Moi j'étais aux études. Et vous étudiez quoi ? L'économie et la gestion. Oui. Et quoi ? Et vous croyez qu'en étudiant on arrive à trouver du boulot aujourd'hui ? Moi quand même c'est ça que je pense. Oui. Parce qu'après les études, tu peux aller faire des formations. Et si tu as les formations, si tu as les diplômes, tu peux exercer dans le domaine que tu as fait, quoi. Bah ouais, en fait, il a tout à fait raison, mais ça dépend aussi de quelle étude on parle, quoi. Si c'est de son étude personnelle sur la façon de gérer sa vie, ou si c'est l'étude, voilà, l'autorité légale qui délivre les diplômes, quoi. C'est un peu comme le petit truc que j'attends, moi, perso, dans le gouvernement actuel, c'est qu'il parle de donner les diplômes sur les connaissances acquises par la personne sans qu'il y ait besoin d'avoir tout un suivi scolaire qui l'accompagne, quoi. Pour laisser la possibilité à chacun de se trouver un acquis qui puisse s'en sortir sans spécialement devoir suivre se courber, je veux dire, tout le temps, se tasser, se raidir pour arriver à emmagasiner, quoi. Parce que j'avais entendu un truc à la radio qui disait que la grande majorité des gens au chômage, c'est une tranche de génération de 20-25 ans. Disons, ils ont fini leurs études et c'est cette tranche-là qui se trouve le plus ciblée au chômage. Moi, je ne connais pas le milieu des jeunes, mais je connais le milieu des clochards. Que les gens disaient que clochards, c'est ce milieu que je connais. Je voyais vraiment qu'ils ont tout, mais ils se plaignaient beaucoup, quoi. Ils ont tout, mais ils se plaignent, c'est ça? Oui, ils ne veulent pas bouger, ils ne travaillent pas, ils font rien, quoi. Non. Je suis d'accord, mais s'il n'y a pas de travail, on fait comment? C'est ça aussi. Il faut chercher, ou bien il faut créer. Oui. C'est plutôt l'envie de l'activité en elle-même qui est importante, quoi. Parce que c'est pour dire aux gens, entre guillemets, mourrez pas tout seul dans votre coin et levez-vous et allez faire quelque chose, quoi. C'est ça un peu le principe de travailler, c'est d'avoir un truc, quoi. Quand on dit produire, c'est vrai que maintenant ça devient très normalisé, c'est l'homme-objet ou la femme-objet, quoi, je veux dire. Mais ici, la réalité, je veux dire, c'est que les gens, ils ont bêtement envie, parfois, voilà, je vais faire ça aujourd'hui, comme on prend ses vacances à certains moments, pour essayer de se ressourcer, de se connaître, de s'apprendre et d'après de pouvoir donner aussi, quoi. Voilà. Okay. Donc vous voyez plutôt votre futur positif, alors, positivement? Moi aussi, ouais. Oui. Parce que c'est ça que je suis en train de faire, je vois ma vie positivement, quoi. Je ne vais jamais baisser les bras pour dire que non, c'est fini, quoi, non. Je vais essayer toujours de faire quelque chose et de m'avancer, quoi. C'est génial, c'est vachement positif. Et vous? Vous voyez l'avenir positivement aussi? Oui, j'essaie en tout cas un maximum. Mais je me dis que parfois, c'est vrai qu'il y a des joies. On parlait tantôt de la souffrance et du bonheur. Et c'est vrai que moi, parfois, ma joie est un petit peu plus vers la souffrance, dans le sens que c'est pour m'apprendre à la vivre aussi, quoi. Mais en même temps, j'aime bien le positif aussi. Mais j'essaye de rester en même temps réaliste aussi, quoi. Pas être comme Monsieur de Mesmaquer dans Gaston Lagaffe qui se balade à fond là, tout motivé parce qu'il a fait je sais quel contrat et puis qui se prend la première bagnole qui passe et qui crève, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. Mais sinon ça va. Et qu'est-ce que vous faites là? Parce que je vois, vous êtes vachement créatif. Vous faites quoi? J'essaie de faire une petite cabane. J'ai fait une première là-bas, mais c'était sur terre. Je suis venu, il y avait le soleil qui était ici, donc je l'ai fait. J'essaie de faire une petite cabane pour je ne sais pas quoi, quoi. Génial, c'est fait avec des branchages d'arbres, là, ouais. À même l'herbe, dans un parc. La porte, voilà. Elle est ici, j'ai déjà fait, donc je cherche à faire une petite toit, quoi. Donc, je m'amuse, tant qu'il y a le fil et les bois, ils sont là, quoi. Et je m'amuse. Bah merci à vous deux. Chantier naval de B. Chantier Naval Meuse et Sambre. Bonjour, je me présente Christian Laurent, je suis le directeur commercial de Chantier Naval. Ce chantier existe depuis 1906, donc il a fêté ses 100 ans il y a quelques années. Donc par la force des choses, on a vécu la grandeur et si je peux dire aussi la décadence de la batellerie. Donc actuellement, on a de moins en moins de bateaux pour un tonnage transporté ou transportable de plus en plus grand. Les bateaux de petite capacité, donc tels que ce qu'on appelle les fraissinets ou les spitz, donc 38 mètres, sont de moins en moins nombreux, ils ne sont pratiquement plus construits. Et ce qu'on construit maintenant, actuellement, ce sont des bateaux de 110, 135 mètres de long, donc qui, évidemment, transportent beaucoup plus de marchandises que les autres auparavant. Et vous pouvez dire, parce que vous dites qu'il y a eu sa période de gloire et sa période de décadence, ça veut dire quoi ? Mais c'est-à-dire que dans les années 40, 50, etc., il y avait énormément de bateaux, il y en avait peut-être plus de 10 000. Et maintenant, je crois qu'en Belgique, il ne reste plus que 1100 bateaux répertoriés, et dont, à mon avis, une très grande partie ne navigue plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon nombre de bateaux sont transformés en bateaux logement, ou en bateaux hôtel, ou en bateaux restaurant, après leur vie, si je peux dire, donc c'est-à-dire que les bateliers naviguent et transportent les marchandises, puis quand ils arrivent à leur pension, ils revendent ça à des gens d'Ater qui en font soit leur logement ou des bateaux-restaurants ou bateaux-hôtels ou bateaux-promenades. Et ça, c'est bien pour le 38 mètres alors, c'est pas n'importe quel bateau, c'est le 38 mètres à qui il arrive tout ça. Oui, c'est surtout pour les 38 mètres que ça arrive. Il y a d'autres bateaux donc de 40 ou 50 mètres de long qui ont le même sort, si je peux dire, après leur vie de travail. Mais c'est surtout les bateaux de 38 mètres. Pourquoi ? Parce que les gabarits en France sont limités à 38 mètres. Donc c'est-à-dire qu'il y a trois grands bassins en France, mais ces bassins sont reliés entre eux par seulement un gabarit 38 mètres. Donc ça veut dire que quand vous avez un bateau de 38 mètres, c'est la seule manière de pouvoir vous balader dans toute la France. Qui est la plus intéressante et la plus jolie, puisqu'il faut savoir qu'en Belgique, la Hollande, l'Allemagne, c'est plus, on va dire, de l'autoroute, alors qu'en France, c'est plutôt des départementales, pour comparer avec les routes ou la voiture. Donc ce qui va se passer, alors il y aura des transformations au niveau... puisque le 38 mètres va être remplacé, si j'ai bien compris, par quelque chose de plus gros. Non, donc les canaux, etc. vont... Aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en France, donc le 38 mètres a toujours la raison d'être du 38 mètres est toujours en France. Donc même pour le transport de marchandises, puisque, comme j'explique, donc, il y a des canaux qui sont toujours à ce gabarit fraissiné. Mais en Belgique et en Hollande, on est avec des bateaux de plus en plus grands, de façon à transporter, à la limite, beaucoup plus de marchandises avec un seul équipage. C'est un peu logique, je vais dire, si vous prenez un 38 mètres, il va transporter 300 tonnes maximum avec deux personnes à bord. Si vous prenez un bateau de 85 mètres de long, il va transporter avec deux personnes à bord peut-être 2500 tonnes. Donc ça veut dire que le rapport est évidemment beaucoup plus favorable au grand tonnage. Et donc toujours la quantité, quoi, toujours plus. C'est toujours la rentabilité qui joue malheureusement, et c'est vrai que c'est dans toute la vie. Maintenant, il faut savoir qu'en France, ils vont aussi faire le canal du Nord, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire une liaison entre le bassin de Paris et le nord de l'Europe via un canal qui sera à grand gabarit, donc c'est-à-dire que les bateaux auront 11,40 m de large et pourront faire 110 m de long. Ça, c'est un avantage. Je veux dire, c'est une amélioration par rapport à la situation actuelle. Enfin, on ne va pas commencer à polémiquer, mais et le pétrole et tout ça, j'ai entendu ça Le prix de transport, oui. Mais c'est-à-dire que le coût du gasoil, il est toujours très cher, ça c'est clair, mais il faut se rendre compte qu'un bateau, même le petit bateau de 38 mètres, il va transporter 250 tonnes avec un moteur de 250 chevaux. C'est pas difficile de faire le calcul du nombre de camions qu'il faut pour transporter 250 tonnes et le nombre de chevaux qu'il faut, vapeur qu'il faut pour les transporter. Donc la consommation en gasoil pour des bateaux est largement moindre que la consommation pour des camions. Et les routes sont encombrées, tout le monde le sait. Donc c'est clair qu'il faut revenir, sans parler d'écologie pure et dure, il faut revenir au transport pour la voie d'eau. Je parlais tout à l'heure donc de la grandeur et des cadences, si je peux dire, des bateaux. C'est vrai donc qu'il y avait plus de 10 000 bateaux en son temps, mais qui transportaient évidemment beaucoup moins de marchandises puisqu'ils étaient beaucoup plus petits. Maintenant, ça ne fait que le rendement ne fait que s'améliorer, et c'est vrai que de plus en plus, on devra passer par le transport de voies d'eau. Les containers, c'est quelque chose qui a énormément de succès aussi. Donc, on transporte énormément de containers entre les ports maritimes, puisque les containers viennent par la mer, et l'intérieur du pays. Et tout ça se fait de plus en plus par bateau. C'est clair que transporter, je vais dire, 200 containers de Rotterdam à Liège par un bateau, ben, imaginez le nombre de camions qu'il faut. Donc c'est clair qu'il faut absolument passer par là à temps, bientôt. Donc il y a de l'avenir pour les mariniers ? Je crois qu'il y a de l'avenir pour la batellerie. Malheureusement, on est dans une crise actuellement. C'est une crise mondiale, tout le monde le sait, tout le monde la vit, tout le monde la ressent. Il faut espérer qu'elle va être la plus courte possible. Mais c'est clair qu'il faudra passer à la voie d'eau tôt ou tard. Et pour parler un peu du chantier naval, ça consiste à... En quoi un chantier naval ? Un chantier naval, ça consiste en quoi ? En plusieurs choses. D'abord, il y a la fonction mère qui est la fabrication. Donc d'abord, il faut fabriquer les bateaux. Donc on a construit énormément de bateaux ici à Meuse-et-Sambre dans les années 30, 40, 50, 60. Depuis 1960, la construction neuve a largement diminué. Malheureusement pour nous. Pourquoi ? Parce que les pays de l'Est sont venus sont rentrés dans le jeu. Il est clair que la main-d'œuvre à l'Est, et de plus en plus à l'Est, puisqu'on arrive pratiquement en Asie maintenant, est évidemment beaucoup, beaucoup moins chère que la main-d'œuvre belge ou en Europe de l'Ouest. Donc, comme la construction d'un bateau, c'est quelque chose qui n'est pas automatisé, mais quelque chose qui est manuel, vraiment très fort. Donc ça veut dire que la main-d'œuvre a 50 à 60 ou 60 ou 70% d'importance dans le coût du prix de revient d'un bateau. Donc ça veut dire que la main-d'œuvre ayant ce coût-là, on est vraiment très pénalisé par les pays à faible coût de main-d'œuvre. Donc depuis les années 60, 70, on a construit de plus en plus de bateaux à l'étranger, et notamment donc d'abord en Roumanie, d'abord en Pologne, puis en Roumanie, puis en Bulgarie, etc. Maintenant on construit des bateaux en Chine. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les coques arrivent toutes préfabriquées en Chine, donc la coque nue arrive de Chine et elle est aménagée en Europe, que ce soit en Belgique ou en Hollande, pour en faire le bateau totalement fini. Meuse-et-Sambre est un des derniers chantiers, en tout cas le dernier chantier en Belgique, à construire lui-même encore ses coques. Donc nous avons construit, ces 10 dernières années, on a construit 23 bateaux passagers. Donc ce sont des bateaux, des paquebots fluviaux qui peuvent transporter chacun 180 passagers. Et ces paquebots ont été construits de A jusqu'à Z chez nous. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est un peu hors norme ou en dehors du temps, puisque d'habitude les coques sont faites à l'étranger. Alors pourquoi est-ce que ce client nous a commandé ses coques chez nous et pas à l'étranger, puisqu'elles sont moins chères ? Tout simplement pour trois raisons. La première, c'était quand même une qualité différente, donc une meilleure qualité en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est ou en Asie. La deuxième, c'était un délai de livraison qui était très court. Et la troisième, c'était un délai de livraison qui était respecté, parce qu'il faut savoir que les coques qui sont construites en Chine ou ailleurs avaient toujours un an à deux ans de retard. Ce qui ne pose pas tellement de problème pour un bateau, je vais dire transport de marchandises, puisque ok, on en a d'autres, on a des bateaux en remplacement, mais pour un bateau de croisière, où les croisières sont déjà vendues le jour où on décide de construire ce bateau, ce serait catastrophique que le bateau ne soit pas là à temps et à heure, alors que les croisières sont déjà vendues et que les gens seraient déjà sur le quai à attendre le bateau. Et là, quand on regarde dehors, on voit des bateaux, voilà. Et c'est plutôt du nettoyage, non ? Oui, donc la deuxième phase, donc après les avoir construits, il faut les entretenir. Donc le fonds de commerce d'un chantier naval, c'est d'entretenir les bateaux. Donc il faut savoir qu'ils doivent monter à terre tous les 5 ans pour un contrôle technique, un peu comme les voitures qui doivent être vues après 4 ans tous les ans. Donc un bateau doit être mis à terre tous les 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un contrôle technique qui se fait par un bureau extérieur. Donc les chantiers navals, eux, ne sont que des exécutants, ne sont pas les conseillers. Et donc l'inspecteur, agréé par l'État, vient contrôler le bateau, donc c'est-à-dire les épaisseurs de la coque, les épaisseurs résiduelles, l'état des arbres d'hélice, des systèmes de gouverne, des freins, donc c'est-à-dire les ancres, etc. Et donc Ça, c'est quelque chose qui se fait donc tous les 5 ans. La deuxième chose, c'est les transformations des bateaux. Donc les bateaux, comme ils sont quand même relativement âgés, il existe des bateaux qui ont 100 ans. Donc on a soit de l'entretien, donc c'est-à-dire changer les pièces usées, ou soit des transformations, donc c'est-à-dire allonger le bateau pour qu'il transporte plus de marchandises, ou carrément, je vais dire, les agrandir ou agrandir le logement. Le logement du marinier, c'est quand même leur maison à bord du bateau, donc il y a des logements qui sont totalement magnifiques, qui sont même plus luxueux que dans une maison. Le temps de l'homme du Picardie, le fameux feuilleton qu'on a vu dans les années 60-70, je ne sais plus, c'était vraiment révolu, quoi. Donc je veux dire, maintenant vous avez absolument tout le confort qu'on peut avoir dans une maison, jusqu'au jacuzzi, jusqu'à la cave à vin, jusqu'à tout ce que vous voulez, quoi. Et vous, en fait, c'est un rêve comme ça de travailler dans un chantier naval, ou bien c'est par la force des choses, voilà, ça s'est mis comme ça, ou bien c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais disons que ça, c'est une histoire de famille, si je peux dire, parce que mon père a fait toute sa carrière ici. Donc, c'est-à-dire que mon père a quitté le chantier naval en 1985. Et moi, j'y suis rentré en 1979. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que depuis toujours, je suis dans le bain de l'eau, si je peux dire. Donc, le chantier naval, je connais ça depuis que je suis tout petit. En plus, j'ai marié une fille de marinier. Donc, ma femme est une fille de marinier. Donc, son père est venu avec son bateau faire des travaux sur son bateau. Et bien, il a été bien servi puisque je suis sorti avec sa fille. Voilà. C'était un bon plan, ça. C'était un bon plan, oui. J'ai lié l'utile à l'agréable. Et quoi, vous avez déjà été, vous, un peu voyager sur une péniche ou pas du tout? C'est loin de vous, tout ça? Non, j'ai déjà voyagé sur des péniches. J'ai fait des voyages d'essai, donc ça, c'est relativement court. C'est un jour, c'est quelques heures, c'est dans la journée. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est croisières fluviales, donc sur un des bateaux de notre client principal. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça, je peux que faire qu'une seule chose, c'est le recommander à tout le monde. Les croisières fluviales, c'est quelque chose où vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre. Je veux dire par là qu'on vit dans une vie qui est très stressante, où il y a des délais, on prend sa voiture, on va de A jusqu'à B. Ça, c'est clair. On va de Namur à Paris, il y a 350 km, il y a 3 heures de route. Point. Dès que vous montez sur un bateau, c'est pas le fait d'aller de A jusqu'à B qui compte, c'est le fait justement de se promener de A jusqu'à B. Et la finalité, c'est pas d'arriver à destination, c'est le moyen de transport. Et je vais même aller plus loin. On a construit il y a quelques années un bateau qui s'appelle le Fleuron Saint-Michel. C'est un bateau qui sert à accueillir des SDF. À Paris. Donc, c'est-à-dire que ces gens sont sans logement et ils viennent loger le soir pendant, je crois, maximum 6 mois à bord de ce bateau. Et les propriétaires du bateau, qui sont les œuvres hospitalières de l'Ordre de Malte, bon, ça fait un peu pompeux, mais bon, sont des gens qui ont pas mal d'activités caritatives, ils se sont rendus compte qu'avoir un bâtiment, un hôtel à terre à Paris, donc un hôtel normal, ou avoir un bateau flottant hôtel, c'était totalement différent dans le sens où les SDF, bon, ils ont une vie à part, ils sont assez autonomes, ils ne veulent pas l'autorité, ils ne veulent pas certaines choses. Et quand ils sont sur un bateau, ben, à la limite, ils restent dans leur cocon, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois en dehors de la ville qu'ils n'aiment pas, et ils sont à la fois sous la responsabilité de la notion d'un capitaine, on largue les amarres même si le bateau reste à terre. Donc reste au quai, je veux dire, il ne reste pas à terre, il reste au quai. Et donc les gens sont coupés du monde, ils ne sont pas dans la ville de Paris qu'ils n'aiment pas, ils sont à bord de quelque chose où ils sont quand même logés, nourris, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. On a fait pour la ville de Douai un centre, ce qu'on appelle nous autres ici en Belgique, un centre fermé. Donc c'est-à-dire que c'est un bateau qui reçoit des jeunes qui sont placés par le juge français. Donc ce sont des jeunes jusqu'à 18 ans qu'on fait, bon, comme on dit, des conneries, etc. Et donc ils sont passés là-dessus. Et c'est vrai que le fait de se retrouver sur un bateau avec l'autorité d'un commandant ou d'un capitaine, avec l'autorité des instructeurs ou des surveillants, ben ça les coupe aussi du monde, ça les coupe aussi de leur mauvaise fréquentation. Et voilà, et donc ils vivent en microcosme dans un bateau qui fait peut-être, où il y a peut-être 12 jeunes et 8 éducateurs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, une expérience. Oui, c'est un petit peu hors du temps, quoi. Hors des habitudes. On sort du temps et on sort des habitudes. Ouais. Mais je peux qu'en conseiller, dès qu'on va sur un bateau, on oublie ses soucis, on ne sait pas faire autrement. On ne saurait pas faire autrement. Et sinon, on travaille dans tout style. Hein. On vient de livrer un bateau pour un milliardaire parisien qui a fait un yacht fluvial. Donc, je veux dire, autant on va faire un bateau pour des SDF à Paris, autant on vient de faire un yacht fluvial de super grand luxe avec tout ce que vous pouvez penser à bord. Et là, c'était une construction neuve de A jusqu'à Z. Et voilà, donc. L'eau, ça représente tout, quoi. Je veux dire, on peut faire un dancing, on peut faire un bateau restaurant, on peut faire un bateau promenade. On en a construit aussi pour la ville de Paris. Bon, ben, Paris, tout le monde connaît les bateaux mouches, les bateaux ceci, les bateaux cela. Donc, c'est vrai que ça a énormément de succès. Ouais. Et en Belgique, ça commence seulement. Jusqu'il y a quelques années, très peu de gens vivaient sur des bateaux. C'était plutôt considéré comme baba cool ou comme peace and love. Et maintenant, on a des gens, je vais dire, comme vous et moi, qui veulent vivre sur un bateau et qui en sont bien contents. Il paraît que c'est beaucoup plus cher qu'une maison, c'est vrai ça? Non, mais justement, à confort égal, c'est le même prix qu'une maison. Donc, il ne faut pas croire que ce sera moins cher qu'une maison, mais à confort égal, ce sera le même prix. Cela dit, ce qui est important, mais de nouveau, c'est la même chose que pour une maison, c'est la localisation du bateau. Il est clair qu'un bateau à Paris qui est localisé dans la ville de Paris, il doit payer une location, il doit payer ce que je vais dire un peu un terrain, et effectivement là c'est beaucoup plus cher, mais c'est la même chose en Belgique. Si vous avez une maison en plein centre de Bruxelles, elle sera certainement beaucoup plus chère qu'une maison à Yotsiplou. Donc voilà. Mais sinon, maison égale, ben, le bateau, je crois qu'il sera le même prix, il ne sera pas moins cher, mais il ne sera pas plus cher. Et quoi, quand on habite dans une péniche, on n'est pas obligé de passer son brevet de marinier, par exemple, rien à voir. C'est-à-dire que si vous ne naviguez pas, vous n'êtes pas obligé de passer de brevet de marinier. Mais par contre, si vous naviguez, vous êtes obligé d'avoir un permis de conduire, ce qui est un peu normal. Donc il faut un permis de conduire pour naviguer avec la péniche. Maintenant, pour habiter le long du quai, ça n'est pas nécessaire. Et est-ce que c'est compliqué d'avoir son brevet? Ben disons que c'est quand même, il faut suivre des cours, il y a un examen pratique, un examen théorique, un examen pratique. Donc, mais ça n'est pas compliqué, c'est certainement pas plus compliqué qu'une voiture. Quoi, moi je peux le faire? Ben oui, pourquoi pas. Vous n'êtes pas blonde. On va couper ça. Non, il n'y a pas de raison. Hein. Non, tout le monde peut le faire. Et il y a beaucoup de femmes qui naviguent. Hein. Donc je dis, il faut pas être. C'est pas non plus l'histoire du gros camionneur musclé, etc., qui peut conduire une péniche. Hein. Je veux dire, tout est électronique, tout est électrique sur une péniche. Donc il n'y a pas de gros macarons comme on voit dans les films où il faut être à deux pour le faire tourner. Non, c'est un joystick, comme vous avez un joystick d'une PlayStation. C'est un truc comme ça qui guide le bateau. Donc non, certainement, tout le monde peut conduire un bateau, il suffit de passer l'examen. Puisqu'il y a de l'avenir dans la batellerie? Il y a de l'avenir à la batellerie, mais il y a une école de batellerie ici à Huy, donc qui fait des élèves, donc qui donne des cours. Je crois qu'en 2 ans, ils forment des matelots et des capitaines. Donc là, c'est vrai que c'est un métier d'avenir. Maintenant, c'est un métier qui a aussi les inconvénients, c'est qu'on navigue beaucoup, donc ça veut dire qu'on n'est pas tous les soirs à la maison. Donc ça veut dire qu'on vit sur ce bateau et que la famille, c'est surtout un problème de famille, quoi. Il faut savoir que les enfants... Ben, il faut qu'ils aillent à l'école, donc ça veut dire pension, ça veut dire pensionnat, ça veut dire pas voir les parents pendant la semaine, parfois pas le week-end parce que les parents sont loin, donc ça c'est pas évident. Que dire encore? Qu'est-ce que vous aimeriez soulever dans les côtés positifs de votre boulot, les côtés négatifs? Ben, côté positif, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde et que le métier de marinier ou les bateliers sont des gens charmants. C'est un métier très fermé. On n'a pas facile d'y rentrer, mais une fois qu'on y est, on y est bien. Donc, je veux dire, n'importe qui n'y rentre pas. C'est encore une fois, c'est un métier fermé. Tout le monde se connaît. Radio Plabord, comme on appelle, ça fonctionne très bien. Donc, ce qui se passe ici à Namur, être tout de suite connu à Anvers ou à Liège ou que sais-je, via les téléphones portables. Donc, ce sont des gens charmants et surtout qui s'entraident très fort. Donc, c'est vrai que si un batelier est en panne ou si un batelier a des problèmes, les autres vont l'aider. Ça, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je ne crois pas que votre voisin viendra vous aider si votre chauffe-eau ou si votre n'importe quoi tombe en panne. Tandis que là, le batelier, il vous aidera, il aidera les siens. Ça, c'est le côté positif. Le côté positif aussi, c'est qu'il faut se rendre... il faut aller... Comme commercial, je dois visiter les clients. Donc, l'avantage, c'est que les clients, ils sont dans toute l'Europe. Donc, je me balade à Paris, à Anvers, en Allemagne, en Hollande. Ça, c'est gay. Et le côté moins marrant, Mais le côté moins marrant, c'est peut-être que c'est la crise pour le moment. Donc ça veut dire que les bateliers ont moins de travail, donc ils ont moins d'argent à dépenser. Donc là, de ce côté-là, c'est peut-être un peu moins marrant. Et il faut se battre plus. Voilà. Vous aimez bien votre boulot ? Ah, j'aime bien, oui. Ça fait depuis 1979 que j'y suis toujours, donc c'est que j'aime bien, oui. Mmh. Franchement. Quelque chose à rajouter spontanément sur tout ça ? Un petit message à faire, on ne sait jamais, hein. C'est peut-être la première fois de votre vie, la dernière fois qu'on vous entendra. sur le métier, Mais non, la seule chose, c'est qu'il faudrait peut-être que les autorités, quelle qu'elle soit, pense justement au transport par eau, parce que malgré les belles paroles de dire on veut faire du transport par eau parce que c'est plus écologique, c'est plus économique, en fin de compte, il n'y a pas de volonté politique de le faire. Et tout ça, ça s'explique simplement, et c'est un peu logique, que de nouveau, 100 camions qui transportent des marchandises ou un bateau qui transporte des marchandises, d'un côté, c'est 100 familles, et de l'autre côté, c'est une famille. Donc d'un côté, je les comprends, mais je crois qu'il faudrait que tout le monde se dise, bon, les routes sont surchargées, transportons par eau ce qu'on peut le faire, et ça va dégager les routes, ça fera moins d'accidents, et ça fera surtout beaucoup moins d'argent. Merci. Voilà, de rien.